pouvait être idéal. Mais sans effort, tu t'attends à quoi? Dès qu'une fille passe plus d'attention sur moi, dont tes belles paroles.